autre garçon dans le vent. Voyons, François, François. Personne connaît ça. Bon, c'est majeur. Mais pourquoi c'est pas... Voilà mon synthé. Give me the funk. En train de lire, ouais. Ouais, mais la basse, elle est à côté là. redoute. Je m'en branle, la redoute. Prenez un enfant et faites-en un roi. Couvrez-le d'or et de diamants. Cachez-vous en attendant. Vous n'attendrez pas longtemps. Les vautours tournent autour de l'enfant. Cendrillon pour ses 20 ans. Putain, c'est bourré de pub les trucs des paroles. Je fais un ami. S'il est parti, se sent sur nous. A tout donné. Combien? Attends, mais là, sur le truc, il y a... Tiens, regardez, je vais essayer de vous faire... Ah ouais, voilà, c'est pas mal. Ça va bien, ça.